donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h à minuit et ici sur RIG 90.7 de la bande FM, rigfm.fr. Je suis très très très heureux de vous accueillir pour cette 447e émission et j'espère qu'on va passer 2 heures d'émission avec beaucoup de bonheur et la joie de se retrouver. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'album de la semaine, mais on va parler de Johnny Hallyday et le 7e art. Johnny Hallyday aimait profondément le cinéma et voulait depuis toujours jouer la comédie. Avant d'avoir ce rêve, Jean-Philippe passait son temps dans les salles obscures et était un cinéphile passionné. Il aimait notamment les films noirs et les productions à grand spectacle. Quand on commence à l'entendre sur les ondes à l'aube des années 60 et que ses disques commencent à s'écouler, les grands studios pensent rapidement à lui, une aubaine pour l'idole des jeunes qui, au tout départ, ne voulait pas se lancer dans la chanson, mais bien dans le 7e art. S'il joue 1954 dans Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot alors qu'il a tout juste 11 ans, sa scène est coupée au montage et il n'apparaît finalement pas à l'écran. C'est en 1962 qu'on le voit pour la première fois au cinéma devant la caméra de Marc Allégret pour le sketch Sophie dans Les Parisiennes. Il y campe Jean, un jeune guitariste qui voit débarquer à l'improviste une lycéenne, Catherine Deneuve, qui séduit en fredonnant Retiens la nuit, son tube de l'époque, extrait de son deuxième album Salut les copains, sorti l'année précédente. Et c'est ce extrait-là qu'on va écouter tout de suite sur le thème de RIG. Bonne soirée à toutes et à tous. La nuit, pour nous deux, jusqu'à la fin du monde, retiens la nuit. Pour nos cœurs dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Il enchaîne en 1963 avec « D'où viens-tu, Johnny ?» de Noël Howard, une sorte de western moderne à la française où il joue un jeune rocker nommé Johnny. Et il y retrouve sa douce Sylvie Vartan. Voici 3 extraits. À plein cœur, ma guitare, pour moi la vie va commencer et rien n'a changé. Je veux l'aimer à plein cœur comme elle a dit. Oh oui, oh oui. Oui, rien ne pourra arrêter mon amour. Aujourd'hui, je suis prêt à risquer toute ma vie. Oh oui, oh oui. À plein cœur vers toi, mon amour. À plein cœur, oui, vers toi, je cours. Oh oui, oh oui.

vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. Rien ici, non, rien n'a changé. Et le temps semble arrêter. Mais l'enfant, la fille sage, lentement s'est transformée. Rien ici, non, rien n'a changé. Et le vent me reconnaît. Mais l'enfant au doux visage qui marchait à mes côtés a changé. La terre est bien la même, légère sous mes pieds, c'est vrai. Rien ici, non, rien n'a changé. Et le temps semble arrêter. Mais l'enfant de mon jeune âge, mon étoile du passé, a changé. A changé, a changé. Vous écoutez Ériger la radio de Junaïdé tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et là, on retrace la carrière cinématographique de Johnny Hallyday. On le retrouve en 1964 dans le film de Michel Boiron. Boisseron, si vous préférez, hein, avec Chercher l'idole et où il campe son propre rôle. Il interprète le titre Bonne chance. Bonne chance, chérie, bonne chance. Mon cœur ne gardera que des regrets, chérie, du temps qu'on a vécu tous les deux, ce temps qu'on a connu tous les deux. Ne fuis jamais du temps perdu pour moi. Bonne chance, chérie, bonne chance. Il ne me restera plus désormais, chérie, qu'à rêver de l'amour au passé et ces merveilleux jours du passé. Je te souhaite de les rencontrer une autre fois. Mais je suis sûr que nul ne te comprendra, nul ne t'apportera les mêmes joies sur terre. Personne au monde ne peut plus t'enivrer, ne peut te parler comme j'ai su le faire. Bonne chance, chérie, bonne chance. Merci pour tout ce que tu m'as donné, merci pour ta jeunesse et tant de folie, pour les plus beaux moments de ma vie. Je veux te dire, malgré ma souffrance, bonne chance. Bonne chance, chérie, bonne chance. Parlons sans te retourner, car je voudrais, chérie, retenir en mon cœur pour plus tard mes peines et mes pleurs pour plus tard. Quand je me retrouverai seul sans toi, bonne chance. Oh, bonne chance, chérie, bonne chance. Heureux celui que tu veux retrouver, chérie, qui va prendre tes nuits dans ses mains, faisant jaillir tes cris par ses mains.

Après cette initiation, ne passant qu'à travers principalement le chant, c'est en 1967, avec le film À tout casser, dont il compose la bande originale, que Johnny Hallyday révèle pour la première fois de véritables dons pour la comédie. Aptitude malheureusement mise en retrait devant le succès phénoménal qu'il rencontre dans la musique, il ne récolte au cinéma, comme son confrère Presley outre-Atlantique, que des rôles de musicien pendant un temps, avant de tourner dans quelques navets. On écoute tout de suite À tout casser et Cheval d'acier. Cheval de fer dans un galop d'enfer. Emmène-moi loin de la terre, rebondir dans les airs. Pour des galops de fou, j'ai toujours rendez-vous. À cheval, je vais n'importe où. Et comme je suis loin d'être un ange, sur mon cheval étrange, alors je me fais mal, car la chute est brutale. À cheval, je vais n'importe où. Cheval d'acier sur deux roues. D'acier, cheval de fer, très bientôt je l'espère. L'amour m'évite à l'enfer, pourvu qu'il soit sincère. Stoppons d'un seul coup mes galops de fou. Je l'emmènerai n'importe où. Cheval d'acier sur deux roues. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit, et retrace la carrière du cinéma de Johnny Hallyday. L'automne 1967 est pour le chanteur l'occasion de plusieurs projets de cinéma qui tournent court. Johnny commence le tournage du film Consortium de Joël Lemoine avec Eddie Constantine. Resté inachevé, il ne reste de ce projet inabouti qu'une seule chanson, Les gars de ma bande, Consortium si vous préférez, hein, qui est restée de surcroît inédite jusqu'en 1993. Il participe également au film Les Ponettes du même Joël Lemoine qui, bien qu'achevé dans sa réalisation, est projeté une unique fois à l'Olympia et n'est jamais diffusé dans les salles. Johnny, portant une perruque bouclée, y apparaît la peau et les cheveux couleur or et chante Le Mauvais Rêve et Hit Parade. Je vous propose d'écouter Consortium, autrement dit Les gars de ma bande, et Le Mauvais Rêve, issu du film Les Ponettes. Mais loin d'être un ange, il me manque les ailes. Sur la terre je retombe et je me fais très mal. Et des ennuis sans nombre arrivent, c'est normal. Sur des chevaux étranges, pour des galops de fou, c'est là que ma vie change et devient à mon goût. J'ai besoin de vivre en toute liberté. Et là je me sens libre sur mon cheval d'acier. Au cinéma bouaillé, des galops d'enfer. Moi j'ai pour le ressembler des chevaux de fer. Je rêve d'enlever la fille au regard d'ange qui voudra bien aimer. Monter en Amazone, ses bras autour de moi. J'attends plus que personne, un jour cet amour-là. Sur des chevaux étranges, je veux bondir au ciel. Mais loin d'être un ange, il me manque les ailes. De l'amour dont je rêve pourrait bien arrêter ma fureur et la fièvre d'une vie tourmentée. Cheval d'acier et de fer, tu m'emmèneras vers le ciel ou en enfer, qui vivra verra. Thank you. j'ai fait un mauvais rêve. Avec la nuit qui s'achève, marchant dans la ville inerte, j'allais dans les rues désertes. Mon cœur bat si fort que j'en tremble encore. J'étais seul parmi les morts. Mais qu'est-ce que tu as? Mais enfin, c'est un secret. Ah, ça sert à rien d'en parler. De toute façon, au moment où tout va tourner à la catastrophe. C'est ça que je n'arrive pas à supporter chez toi. Tu veux toujours jouer au génial solitaire enfermé dans sa tour d'ivoire. Ça, non? Oh, je sais. La fidélité en amour est une des trois choses les plus inutiles sur cette terre. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Johnny dans le film Les Ponettes avec Le Mauvais Rêve. En 1969, Johnny Hallyday interprète la chanson du film Lord McKenna, un western de Jack Lee Thompson sur une musique de Quincy Jones, donc il en fait la version française. Voyez le buzzard, silencieux buzzard, volant. Attendre, le buzzard sait attendre la mort de ceux qui rampent sous lui. Le vieux buzzard a tout son temps, car chaque fils d'une mère a rendez-vous, oui, avec lui. Hommes fourmis au cœur des rochers, hommes tricheurs, hommes rêveurs, mourant pour l'or qu'ils n'auront jamais. L'or, l'or, l'or, ils ne veulent que ce tort. L'or, l'or, ils sont prêts à tuer pour bizarre, volant, volant. attendre. Le buzzard sait attendre. La mort de tous ces hommes fourmis. Le temps pour lui est un ami. Car chaque fils d'une mère a rendez-vous. Oui, avec lui. Oui, lui. Il voit venir et s'en aller. Ces hommes fourmis au cœur des rochers. L'odeur de l'or les réunit. Comme des rats pour mieux les tuer. L'or, l'or, l'or, ils ne pensent qu'à cela. L'or, l'or, à l'heure du grand Mackenna. Ça ne finira jamais. Johnny et les films. Nous sommes dans les années 70 et Johnny passe par le western spaghetti italien Le Spécialiste, dirigé par Sergio Corbucci, où Johnny campe un cow-boy taciturne au chapeau noir et gilet renforcé, le mystérieux Hud. Et aussi par le film policier Point de chute de Robert Hossein, avant d'aller à Cannes en 1972 pour L'aventure c'est l'aventure, film un peu méta de Claude Lelouch où Johnny Hallyday organise son propre kidnapping à des fins politiques. Voici les deux titres, Le Spécialiste et ainsi qu'un extrait du film L'aventure, c'est l'aventure, surérigé dans l'émission Johnny de A à Z. Comme un vautour, il plane, noir comme une soutane. Ouais. Sans amis, toujours seul, triste comme un linceul. Devant lui, l'argent brûle, et l'amour se recule. Oui, on l'appelle le spécialiste. La mort est son métier. Il marche vers le soleil, vers sa destinée. Il marche vers sa mort, vers sa vérité. Il marche dans le sang, ses potes l'emportent. Il marche vers l'enfer, le diable l'emporte. Comme le serpent, il est froid. Du cœur jusqu'au bout des doigts. Si tu deviens sa cible, cherche Dieu dans ta Bible. Il marche vers le soleil, vers sa destinée. Il marche vers sa mort, vers sa vérité. Il marche dans le sang, ses potes l'emportent. Il marche vers l'enfer, le diable l'emporte. C'est l'aventure, l'aventure, c'est l'aventure. Elle est là qui vous attend un soir. Pas de pitié, Il est trop tard, il faut gagner et oublier. Là. Magnifique, c'est l'aventure. Fantastique, c'est l'aventure. Érotique, c'est l'aventure. Aldo. Politique, la smetti. Johnny, un autographe, s'il te plaît. Pour Janine. C'est Janine. Janine, c'est sa sœur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un grand titre dans l'actualité de ce matin, Johnny Hallyday. Depuis hier soir, on était sans nouvelles du chanteur. On sait maintenant qu'il s'agit d'un enlèvement, mais oui, l'enlèvement sans doute le plus incroyable de ces dernières années. Bien entendu, comme nous, vous vous posez un certain nombre de questions. D'abord, pourquoi Johnny Hallyday ? S'agit-il d'un rap politique ou d'un enlèvement entend. Classique ? Formidable, ça démarre très bien. Forte rançon de la part des ravisseurs. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Dans l'entourage de la police, voilà. La question. J'ai jamais vu des titres pareils depuis la mort du général. Quel général ? Bugeaud. Bien, Johnny. En France ou à l'étranger. Quant aux fans de Johnny Hallyday, ils seront bien sûr prêts. Le monde. Les fans de Johnny ont juré de le retrouver. Ils vont te retrouver. Ici. Laure, pourquoi Johnny? Pourquoi? Pourquoi Johnny? Ben oui, pourquoi? Combat Johnny Hallyday, rap de politique. Formidable. Formidable. Vous perdez pas le Nord. Et au porteur. D'accord. Oh, papa. Porteur avec un S. Les cinq. Avec Johnny, avec une publicité comme celle-là, t'es reparti pour 10 ans. Et 10 ans, je suis modeste. C'est plus facile qu'une banque. Ouais, c'est sûr. À qui je le donne? C'est pas donné votre truc, hein. Non, mais si tu avais fait un lancement classique, ça aurait coûté 10 fois plus cher. Et t'aurais pas eu les premières pages et le journal télévisé. Alors, c'est bon la reconversion? Ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, il me faut un peu de temps. C'est des méthodes que je connais pas. Et je commence à me faire vieux. Cela dit, il est vraisemblable que c'est la solution d'avenir. En 1971, Johnny joue son propre rôle, donnant la réplique à Gilbert Montagnier pour le téléfilm Pour une pomme de Claude Barrois et de Jean-Marie Perrier. On écoute l'apparition de Johnny Hallyday. C'est la première fois que tu passes à l'Olympia, hein? C'est la première demain, oui. Qui sait? Ce qui t'arrive à toi demain, ouais. Ça m'est arrivé il y a 12 ans. Alors je vais te dire, fais attention. À quoi? À la salle? Mais non, non, pas à la salle. Non. Tu sais, les salles sont toutes les mêmes, que ce soit à Montmélian, à Toulouse. Ouais. Non, fais gaffe à toi. Je vois pas très bien ce que tu veux dire. Si je veux dire par là que... Toi, ce qui t'arrive à toi aujourd'hui, ça m'est arrivé il y a 12 ans. Oui. Et je voudrais pas qu'on me fasse les mêmes vacheries qu'on m'a fait à moi. Tu vois, quand on commence, tout est beau, c'est fantastique. Tu vas en tournée, c'est la folie. Tu vas dans les beaux hôtels, tu vas dans les meilleurs restaurants. Il y a des gonzesses partout. Et puis alors, t'as plein d'amis. Mais alors, tellement d'amis que tu ne sais même plus où les mettre. Mais ceux-là sont les mêmes que les miens, les mêmes que Michel, les mêmes que pour tout le monde. Il n'y a qu'un seul truc qui diffère, c'est qu'ils ont un autre visage et tout. Mais c'est les mêmes, exactement. C'est là le danger. Mais on n'a pas d'amis dans ce métier. Parce que si un jour ça marche moins bien pour toi... Tu verras, tu chercheras des amis, t'en auras plus. C'est pas leur faute d'ailleurs, parce qu'ils t'adorent. Ils te détestent en même temps aussi. Et ils sont comme ça, les gens. Tu peux rien y faire. Bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est n'écoute personne. Et personne. Écoute que toi. Il faut toujours faire ce que t'as envie de faire. Ouais. Je vais même te dire mieux, ne m'écoute même pas moi demain. Aujourd'hui, tu peux me croire. Parce qu'en fin de compte, c'est pas à toi que je parle. À moi il y a 12 ans. Mais de toute façon, t'en fais pas, demain ça marchera. Je le sais. J'espère. Mais rappelle-toi quand même une chose. On est tout seul. Bon, il faut que je me tire, j'ai un gala. Pour demain, merde. Merci. Et puis t'en fais pas trop pour ce que je te dis. Hein. Ok. Au revoir. Bye, Johnny. Au revoir, Sarah. Au revoir, monsieur. En 1974, Johnny Hallyday chante le générique de la mini-série Le Soleil se lève à l'Est, diffusée par l'ORTF. Puis, le réalisateur Claude Mulot tourne Ses jeunes et ça c'est tout. Pour le générique de fin, Johnny enregistre Les grands enfants, chanson qui reste inédite jusqu'en 1993. On écoute tout de suite ces deux titres. L'espoir sera perdu. Va-t'en faire. connu. Le soleil se lève à l'est pour être libre. Il faut risquer tout. Apprends à vivre la joie et l'amour. Pour être libre, il faut risquer tout. Apprends à vivre la joie et l'amour. Pour être libre. Ils ont le cœur Johnny de A à Z sur Radio RIG, la radio de Johnny, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et on retrace la carrière cinématographique de Johnny Hallyday. Après 1972, Johnny refuse tous les rôles, ou presque. Il fait quelques apparitions dans Malpertuis de Harry Kummel et dans L'Animal de Claude Zidi avec son ami Jean-Paul Belmondo. Il est à la recherche de quelque chose de mieux écrit, de mieux construit. Il ne veut plus de cette image de rocker-acteur, il veut revenir avec un film décisif. Il expliquait à Télérama « J'ai décidé que ce serait Godard ou Piala ». Mais avant, en 1981, il fait une apparition dans le nanar de son ami Claude Mulot, « Le jour se lève, les conneries commencent », où Johnny additionne les passages à l'hôpital. En 1982, pour les besoins du Palais des Sports 82, Claude Mulot mettra en clip Johnny sur le titre « Le survivant ». Voici tout de suite un extrait du film « Le jour se lève, les conneries commencent ». C'est que tu as manqué parce que c'est bien marré. Hein. Ah ça, pour s'être bien marré, on s'est bien marré. Allez, salut. Salut. Oh, sois prudent quand même. Ah, je suis toujours prudent. T'as les clés de Mercedes. Tu vas quand même pas conduire. Ouais, pourquoi je pourrais pas conduire? C'est vrai, ça. Et je vous croyais parti. J'étais parti. Et c'est de sa faute. Mais c'est conduire avec raisonnement. Thank you. Salut. T'as les clés de la Porsche? Tu vas quand même pas. Pas quoi? Pas produire? Non, mais ça va pas, non, quoi. Tu te rends compte? Un dottore! Un dottore! Vous connaissez les services de Deconomania et Goût? Non, pourtant, je connais bien la maison. Ah. C'est à cause de lui. Il ne sait conduire avec un seul bras, une seule jambe. Ah bon? Ah, non, ne connais-je niente, nénette. On a tous nos problèmes. Allons-y, j'ai pas de ça à faire. Ah, bon. Vous partez aussi? C'est vrai? Oh oui, et vous n'êtes pas prêt de m'en voir. T'as les clés de la relais? Quand Johnny ne joue pas, Johnny chante les bandes originales du film. En 1983, Johnny enregistre sur une musique de Philippe Sard, musique du film de Robin Davis, J'ai épousé une ombre, une chanson homonyme signée Jean-Loup Dabadi, et cette chanson sortira le 15 février 83 en 45 tours, et dans ce film jouait Nathalie Baye. La chanson Signe extérieur de richesse donne son titre au film Signe extérieur de richesse de Jacques Monet dans les salles le 9 novembre 1983, et Éric Bouade et Johnny Hallyday composent la musique du film qui est diffusée en 45 tours le 24 octobre. En 1984, la chanson Souvenir, souvenir donne son titre à un film d'Ariel Zetoun, Souvenir, souvenir, comme c'est bizarre, hein. Et à l'automne sort en 33 tours la bande originale du film et on retrouve sur le disque 5 chansons de Johnny Hallyday. Je vous propose tout de suite de retrouver donc J'ai épousé une ombre, Signe extérieur de richesse et Souvenir, souvenir sur l'antenne du RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Un jour comme aujourd'hui, où les rues étaient sombres, j'ai épousé une ombre sans savoir qui elle était. Du temps où je me battais contre des ombres, je l'ai vue sous la pluie, dans au matin de cette nuit, j'ai dit tu seras ma femme, elle a dit oui. Ses silences, ses absences, sa défense, ma souffrance, ma lame, je voudrais qu'elle entre, qu'elle entre. J'ai épousé une ombre, une femme mystère, passagère et solitaire. D'où vient-elle et qui est-elle, mais qui est-elle? Mais le soleil à l'ombre, j'ai épousé une ombre qui me suit et qui s'évade, prisonnière mais nomade, j'en suis malade. Ce silence, ses absences, sa défense, ma souffrance, je ne suis pas dans ses rêves et j'en crève. Les hommes qu'elle regarde. Un jour sur cette terre, j'ai épousé une ombre, une femme mystère, passagère et solitaire. D'où vient-elle et qui est-elle, mais qui est-elle? Thank you.

chemin. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir. Et nous partons comme gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte. Vous écoutez Érigé, la radio de June Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et là, on retrace June Hallyday et sa carrière au cinéma. Une carrière en dents de scie, mais marquante. Et son vœu est exaucé en 1985 avec le film Détective de Jean-Luc Godard. Il y joue un organisateur de combat de boxe qui galère. Sa prestation est saluée, relance la machine et lui permet de travailler sur Conseil de famille de Costa Gavras. Cependant, ces deux succès ne permettent pas à Johnny d'avoir accès à des rôles convaincants. Il enchaîne Les Ratés, Terminus et La Gamine, et il décide de mettre sa carrière d'acteur en pause à partir de 1991. Une parenthèse qui durera presque 10 ans. Voici la bande-annonce du film La Gamine. Carole Lambert. C'est une gamine, elle a pas plus de 15-16 ans. Quand elle m'a vu, elle a pris un revolver et me l'a pointé sur la poitrine. Moi, je veux pas qu'elle aille en prison, c'est une gamine. Elle a 15 ans. Oh, les filles, elles doivent tomber comme des mouches avec vous. Le côté aventurier solitaire, ça doit leur plaire. C'est Lisbonne. C'est génial. Les gens sont super cool. C'est une ville où on s'éclate. Vous avez des drôles de fréquentation, hein. Oh, ça va, hein. C'est lui. Bon, écoutez-moi bien, Carole. Depuis 24 heures, grâce à vous, je vis un enfer. Bah, tu vas m'emmener. Bouge pas, je te tire dans la tête, si on t'a compris. Oh, j'ai fait une connerie, là. Active même ton cul, bordel, ils sont là! Pardon, je suis désolée, j'ai pas fait exprès, je voulais pas tirer. Foutez-moi la paix! Vous ne pensez pas que ça suffit comme ça, non? Quoi encore? Attention! Quand vous avez démissionné de la police, alors là, à mon avis, ils ont pas dû vous regretter. Ça suffit, cette comédie. Relevez-vous. Je vous dis qu'elle va très bien. Elle joue la comédie. Comédie. Frankie, vous permettez que je vous appelle Frankie? C'est ça votre genre de gonzesse? Oh, arrêtez de faire la gueule. Vous êtes vachement égoïste comme mec. Vous pensez qu'à vous tout le temps. Bon, ça suffit maintenant. D'accord? Je vous déteste! J'ai fait une connerie, hein. J'arriverai à rien avec cette fille. On aura reconnu Scorpion et Hit Between the Eyes, extrait de l'album Crazy World en 1991. Ça ne finira jamais. Johnny et les films. Accaparé par une carrière musicale très dense, dont le succès ne s'est jamais démenti, Johnny met en retrait le cinéma dans les années 90. Mais très attiré par le grand écran, il repart de plus belle à l'assaut du 7e art à la fin de la décennie. Il incarne un torero à la retraite dans le film Pourquoi pas moi, de 1999, joue de son image en campant une vieille gloire du rock désabusé, dans Love Me, en 2000 de Laetitia Masson, et il interprète en 2002 un braqueur rebelle dans L'homme du train de Patrice Lecomte, où il côtoie Jean Rochefort. Pour commencer, on va écouter Love Me. La bande originale du film diffusée sur le CD Love Me comprend la musique originale de John Cale et 6 titres d'Elvis Presley, dont un en duo avec Sandrine Kiberlin, repris en version originale par Johnny Hallyday. On va écouter 4 titres, Loving You, Heartbreak Hotel, Yo Teddy Bear et Love Me Tender. Quand est-ce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas mon genre? Vous parlez trop, vous êtes trop grand. J'aime pas votre nez, j'aime pas votre bouche, vos yeux, vos cheveux. J'aime pas votre corps. J'aime rien de vous. Rien. J'ai pas envie de vous. Loving you. Au revoir. makes no difference where I go or what I do. You know that I will always be loving you and just you. And if I'm seen with someone new, don't be blue, don't you be blue. I'll be faithful, I'll be true, always true, true to you. There is only one for me, and you know who. You know that I will always be loving you. Now since my baby left me, I find a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street, as heartbreak could tell. Well, I'm so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I feel so lonely, lonely I could die. And though it's always quiet, you still can find some room for broken heart and lovers to cry dead with the gloom. And be so lonely, baby. Oh, be so lonely. Oh, be so lonely, lonely you could die. Well, the bell upstairs keep flowering, the desk clerk's dressed in black. I've been so long and lonely, street will never, ever come back. And I do feel so lonely, baby. Oh, they're so lonely. They feel so lonely, I could die. So if your baby leaves you and you've got a tale to tell, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel. You'd be so lonely, baby. Oh, you'd be so lonely. You'll be so lonely, lonely, you could die. To dwell down at the end of Lonely Street, as heartbreak could tell. I'll be lonely, baby. I'm so lonely. I feel so lonely, lonely I could die. Oh, baby, let me be your loving teddy bear. Well, put a chain around my neck and lead me anywhere. Well, baby, let me be your teddy bear. I don't want to be your tiger, cause tigers play too rough. I don't want to be your lion, cause lions ain't too kind. You love enough. I just want to be your teddy bear. Well, put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, baby, let me be your teddy bear. Oh, baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, baby, let me be your teddy bear. I don't want to be your tiger, cause tigers play too rough. I don't want to be your lion, cause lions ain't too kind. You love enough. I just want to be your teddy bear. Well, put a chain around around my neck and lead me anywhere. Oh, baby, let me be your teddy bear. Oh, baby, let me be your teddy bear. I just wanna be your teddy bear. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long. Take me to your heart, for it's there that I belong. And we'll never part. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I'll always win. À présent, voici une interview de Jean Rochefort et de Johnny Hallyday pour le film L'Homme du Train. Cinéma, Johnny Hallyday face à Jean Rochefort, un braqueur face à un prof à la retraite. C'est l'affiche du dernier film de Patrice Lecomte, L'Homme du Train, sorti demain. On dit que c'est le meilleur rôle de Johnny au cinéma. Marie-Jo Jouan, Bernard Puisseau. Je pourrais vous demander quelque chose. L'un rêve d'être un aventurier. Vous pourriez me prêter des pantoufles. L'autre de se ranger enfin. Et pourquoi vous avez mal aux pieds ? L'un est prof à la retraite, plutôt allumé, l'autre gangster, plutôt fatigué. Bref, voilà deux natures que tout oppose et qui voudraient bien échanger leur peau. Outre le scénario du sur-mesure, ce qui prime ici, c'est la rencontre. Mais celle-ci a une spécificité, il n'y pleut pas. Alors c'est très bien, merci. Il suffit de voir ce film, de voir les regards qu'il me lance avec ses beaux yeux bleus. En toute hétérosexualité, hein, avec ses beaux yeux bleus, il y a une espèce de progression vers la tendresse, quoi, des amitiés d'hommes. Mais nous, là, on est deux, on forme une équipe. Ouais, vas-y, joue. Tout à coup, au milieu d'une prise très sérieuse, hein, où il a quelque chose de très grave à dire, on entend dire « Wouhou ! Et là, c'est comme ça, parce que moi, j'aurais pas osé le faire. Moi, j'ai fait « Wababaloubab, labbindoum, wagenwou !» Et là, l'atmosphère s'est détendue, ça a été formidable après ça. Et pourtant, il était intimidé, Johnny, devant un tel partenaire. De leur rencontre est née une belle complicité dans la vie. À 72 ans, Jean Rochefort peut même se comporter en midinette. Alors, je dis à ses fans, vous avez raison d'aimer ce garçon, parce que il est aussi fort en tant que chanteur qu'en tant qu'homme. C'est un homme extrêmement intéressant, authentique, toujours lui-même. Vous étiez avant prof ? En 30 ans d'enseignement, pas un seul attouchement sexuel à me reprocher. Chapeau. Patrice Lecomte a misé juste, Jean Rochefort, Johnny Hallyday. Voilà un duo qui fonctionne à merveille. Il fallait y penser. En 2001, Johnny interprète Pauvre Diable, la reprise du Vous les femmes de Julio Iglesias pour le besoin du film le 15 août. Et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime et sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez. Les femmes, vous mon drame, oui vous si douce, vous la source de nos larmes, pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Oh, vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Pauvre diable, et nous sommes. Oui, vulnérables, misérables, nous les hommes. Oh, pauvre diable. En 2002, Johnny Hallyday chante la chanson titre du film d'Alexandre Arcadie, Entre chien et loup. On peut également y entendre Un monde à part. Félix Gray est l'auteur de ces deux titres restés très confidentiels. Ni le bien, ni le mal, ni cocher, ni debout, ils sont comme celles-là. Un monde entre nous. des ombres glacées qui viennent te marquer le visage. C'est que des bruits de clés à tous les étages. C'est des envies d'ailleurs qui passeront jamais le grillage. C'est des hommes qui pleuvent dans des lits trop sages. Là-bas, c'est un monde à part et sans toi. Là-bas, c'est une vie comme tu n'en peux pas. Là-bas, le temps se fige, c'est même pas qu'on t'oblige. C'est comme ça, là-bas. Qui se compte à coups de craie sur des murs noirs, comme un tableau qui te redonne l'espoir. C'est juste un peu de honte quand tu te retrouves au parloir. C'est mieux que si personne ne venait te voir. Là-bas, c'est un monde à part et sans toi. Tu parles pas. Là-bas, tous les coups du sort sont pour toi. Là-bas, le temps efface les sourires dans les glaces. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs dans l'émission Johnny de A à Z. Aujourd'hui, on parle de Johnny Hallyday et sa carrière cinématographique. Depuis les années 2000, on voit régulièrement Johnny Hallyday au cinéma, en particulier dans des comédies comme Wanted, où il côtoie Harvey Keitel, Gérard Depardieu et Renaud. Vomi mon 4 heures et mon minuit. Je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied des corps. Que je t'aime, tu partiras. Que je t'aime, que je t'aime. Arrêtez vos conneries. Qui prend l'or. Bande d'abrutis. Qui prend pas la femme, qui préfère la campagne. Ou encore dans Quartier VIP où il incarne un maton. En 2005, il joue avec son statut d'idole avec la comédie Jean-Philippe. Aux côtés de Fabrice Luchini, il incarne Jean-Philippe Smet dans un monde où Johnny Hallyday n'existe pas. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Elle est jolie cette chanson. Je savais pas que tu jouais de la guitare. Quand j'étais jeune, j'ai vaguement gratté pour épater trois pauvres nanas. Tiens, je te laisse essayer. J'ai noté la grille d'accord. Voilà. Tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Oh, quelque chose de Tennessee. Voici le générique de fin du film Jean-Philippe, Johnny Hallyday et Fabrice Luchini aux commandes du titre Rock'n'Roll Star. Que faut-il avoir dans le sang de déchirure et de folie pour les mécanes de mesure, l'amour, le danger, les défis. Je fais de blanc, de noir, de blues, de désespoir, une rock'n'roll star. Et faut-il garder dans le cœur toutes les blessures de l'enfance? Ce mal de vivre d'adolescent et des océans de violence. C'est fait de rouge, de noir, de peur et puis de gloire. Une rock'n'roll star. She's a rock and roll star. I'm a rock and roll star. Et que la musique que j'aime pour entendre dans mes veines et l'acier des guitares. Être une rock and roll star. Une rock and roll star. Tout en haut. Combien faut-il vendre mon âme pour que la gloire soit toujours mienne? Oh, c'est le pire, même au-delà, jusqu'à la rupture, l'extrême. J'ai fait de blanc, de noir, de blues, de désespoir, une rock'n'roll star. Et une rock'n'roll star. Un autre extrait de Jean-Philippe. Djunaïdé est au Stade de France. Il va nous interpréter Allumer le feu. C'est parti, non ? Laissez derrière toutes nos peines, nos oises de guerre, nos problèmes. Se libérer de nos chaînes, lâcher le lion dans l'arène. Je veux la poudre et l'éclair, l'odeur de poudre, le tonnerre. Je veux la fête et les j'y crois pas. C'est mon mari. Après avoir fait une apparition au générique de La Panthère Rose 2, Johnny Hallyday est en 2009 la vedette du thriller Vengeance de Johnny To, présenté en compétition à Cannes et dans lequel il campe un ancien tueur à gages qui reprend du service. « My daughter. My son-in-law. My grandchildren. And I must take revenge. I'm a total stranger here. I need your help. Don't worry. We'll find them. One, two, three. En 2011, Johnny Hallyday fait le doublage voix d'un personnage qui lui ressemble étrangement et ainsi il chante aussi dans Titeuf, le film, dessin animé de Zep. Voici tout de suite « La route est ta seule amie ». Les rats qui défilent ont usé mes yeux. J'habite nulle part, et c'est peut-être mieux. Le train qui m'emmène ne s'arrêtera plus. Je lui ai payé ma vie, oh, et j'ai perdu. Le train roule et t'emmène avec lui. Le vent qui siffle t'arrache à la nuit. Il laisse tes doutes, tes certitudes aussi. Accroche-toi petit, la route est ta seule amie. C'est tant de filles en larmes sur des quais de gare. Il ne me reste rien, oh, que ma guitare. Une paire de bottes usées et des lunettes noires, noires, noires, noires, Ça ne finira jamais. Johnny et les films. Notre Johnny National tourne ensuite deux fois pour Claude Lelouch. Une première fois dans la comédie dramatique Salaud on t'aime, aux côtés de Sandrine Bonnaire et Eddie Mitchell, puis dans un film choral Chacun sa vie, dans lequel il fait preuve d'autodérision en donnant la réplique à ses propres sosies. Voici un extrait Salaud on t'aime. Ma main ne tremble plus. Danse un peu à cette musique. Jusqu'à ce qu'il joue cette chanson. Toi non plus, t'arrives pas à dormir. Tu sais qu'il y a un Rio Bravo à la télé, c'est pas évident de dormir. Hein. On en est où là? Alors là, on en est où Dean Martin et Ricky Nelson vont bientôt chanter ensemble dans la prison. Remporte-la, remporte-la. Personne ne me demande jamais à moi si j'ai. Il y a un problème? Et mon problème, c'est toi. À vous deux, vous allez creuser la terre. Ah, tu crois que je vais crever? Écoute, tu fumes comme un pompier, mais t'es en pleine forme. Mais alors, qu'est-ce que t'as été raconter à mes filles? Comment tu sais ça? Un cigare de trop. J'ai surpris une de leurs conversations tout à l'heure. Elles t'ont vu? Non. Bah, écoute, ça fait maintenant 10 ans que t'essaies de rassembler tes filles. Et moi, ça m'a rendu complètement malade de te voir dans cet état pareil. J'ai pas réfléchi. Mais t'es vraiment un malade, toi. T'es complètement fou. Elles vont encore plus me détester quand elles vont apprendre la vérité. Elles vont cracher à la gueule, ouais. Écoute, des malades en stade final, hein, j'en ai vu des tonnes et des tonnes et des tonnes, et qui se sont guéris. Bon. Tu peux me faire confiance, tu peux faire confiance en ma médecine quand même. Putain, quelle misère. Il faut que je crève pour que mes filles répliquent. Bon, maintenant qu'on est tous les deux, je suis malade ou je suis pas malade? Pas en pleine forme. Tu me jures? Sauf toi. Crache. Long to be with my sweet good companion. Just my rifle, Holly, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Of a tree. Sweetheart, darling. My darling, my rifle, honey, and me. Whippoorwill, in the willow, sing a swing, melody, riding to Amarillo, in the willow, just my rifle, honey, and me. No more cow. No more cow. To be roping. No more strain. Will I see you round the bend? Round the bend. Tu me jures que j'ai vraiment, vraiment rien? Oh, je te le redis, tu fumes comme un pompier et t'es en pleine forme, ça va? Bon. Et comment je vais faire pour m'en sortir avec les filles maintenant? Fallait pas les faire. Ouais. Tu mériterais que je te casse la gueule. Ok. Qui va te soigner après, hein? Tu sais ce que c'est qu'un ami? Ouais. C'est quelqu'un qui te connaît très bien et qui t'aime quand même. Et pourquoi tu m'aimes quand même? Mais, parce que quand t'es derrière un appareil photo, t'as l'air moins con que d'habitude, voilà. Son rôle dans Rock'n'Roll de Guillaume Canet est aussi particulièrement remarqué. Johnny est drôle et il le fait savoir.

On va se répéter toute la musique. Voici pour terminer cette émission dédiée à Johnny Hallyday et le cinéma. On retrouve Johnny Hallyday lors du film Chacun sa vie, tourné par Claude Lelouch. C'était à Vienne le 21 juillet 2016. Pour exprimer ce que j'y mets mes joies, moi j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient beau. Je le chante autant que je l'aime, je le chanterai toujours. Tu sais, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chante toujours. Merci, merci du fond du cœur tout le monde. Nous avons fait cette tournée pour vous, avec vous. Je vous avais donné du bonheur tous les soirs. Vous êtes un public en or. Et je vous aime pour ça. Et vous, et vous, et vous, et vous là-haut. Hey! Un sèche-chef de cette émission, Johnny et le cinéma, ici sur Antenne de RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé et écouté cette émission, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Johnny Hallyday. A bientôt à toutes et à tous, ciao ciao.